C'était la traversée internationale du lac Mégantic dimanche. Évidemment, pourquoi qu'on en parle? Évidemment, c'est parce que tout ceux-là qui étaient à Robertval il y a quelques semaines, ils étaient au lac Mégantic pour la plupart. Et Gabriel Savard de Dolbeau-Mistassini, entre autres, c'est pas mal assuré de son championnat dans sa catégorie. On en parle avec Marc-André Leclerc, qui est notre correspondant dans le nage en eau libre. Salut Marc-André. Oui, bonjour Danny. Marc-André, évidemment, parle-moi du lac Mégantic. Est-ce que c'est... Évidemment, le lac Saint-Jean, c'est le lac Saint-Jean. Donc, on peut pas comparer ça avec... Mais est-ce que ça se compare plus avec Saint-Thomas? Les conditions, je te parle, là, et ainsi de suite. Oui, je pense que tu as raison, Danny. Ça se compare un peu plus avec Saint-Thomas-Didyme. Je veux dire, c'est un lac, c'est sûr, qui est moins long que le lac Saint-Jean, qui est un peu... qui est plus étroit. Fait que c'est sûr que ça change un peu la perspective. La température de l'eau là est quand même toujours plus clémente qu'au lac Saint-Jean. Fait qu'il y a quand même, des bonnes différences. Cette année, ce qui est spécial avec le 10 km, c'est que c'était la première année où c'était dans un circuit fermé. Okay. Avant la traversée au lac Mégantic, elle partait d'un point A à Piopolis et s'en allait là, au lac Mégantic, donc une distance de 10 km. Et cette année, là, ils ont pris une décision différente pour cette année. On sait qu'il y a un nouveau format qui ressemble plus à ce qu'on voit là, au 10 km final de la traversée le jeudi en après-midi, là, qui est plus un rectangle là, devant le parc, là, okay. Devant lac Mégantic. Fait que c'est un peu différent. C'est sûr que moi, personnellement, comme ancien nageur, puis comme observateur, puis comme analyste, je trouve ça moins intéressant. Des circuits fermés comme ça, en triangle ou en rectangle, ou peu importe le format qu'on veut utiliser. Fait que je trouve ça moins intéressant un petit peu. Ceci étant dit, je comprends que cette année, la traversée là-bas, on a perdu le directeur général dans les dernières semaines. Fait que pour s'assurer là, que la compétition ait lieu, on a pris quelques décisions comme ça un peu plus stratégiques. Fait que, bon, c'est une décision ici pour cette année. Faut-on voir comment dans les prochaines années, ils vont un peu se reconfigurer la course en espérant que les organisateurs là, décident de revenir à un format un peu plus traditionnel là, et qu'ils soient partir du lac de la plage municipale à Piopolis pour se rendre à la municipalité là, de lac Mégantic. C'est qui est-ce que les gens du lac Mégantic, c'est sûr que ça peut pas comparer encore une fois avec Robertval, là, mais je vais te poser la question, est-ce que dans les circonstances, les gens du lac Mégantic aiment leur traversée? C'est dans le cadre d'un festival un peu comme à Robertval aussi, hein? Oui, effectivement, c'est un peu dans le même modèle où il y a des activités populaires, des spectacles là, qui sont là tout au long de la semaine. C'est sûr que c'est une traversée là, qui a environ une 10-15 années d'expérience derrière eux. Fait que c'est sûr que l'attachement à la population est toujours à bâtir. Tu sais, au lac Saint-Jean, là, ça fait 64 ans que les gens vivent avec la traversée. Fait que, tranquillement, ce lien-là, c'est sûr que on connaît les événements qui sont arrivés malheureux Oui. Il y a quelques années. Fait que c'est sûr que c'est une communauté qui est tricotée serrée et qui d'année après année, là, il y a de plus en plus de bénévoles, de gens. Il y a l'organisation rapidement. Moi, c'est un de mes anciens collègues au sein du Rougeur de l'Université Laval, Kevin Laflamme, qui a mis ça en place, la traversée là-bas. C'est parti tout petit, hein. Moi, j'ai participé à la première édition comme nageur en 2007. Avec tout petit, avec des nageurs principalement du Québec. Ça l'a grossi. En quelques années, là, c'est devenu une étape sur le circuit de la Coupe du Monde finale. Fait que, tu sais, c'est intéressant de voir comme ça une communauté s'approprier un sport, puis s'approprier un événement comme ça. Puis maintenant, c'est vraiment les gens du coin qui s'investissent à faire en sorte que la traversée devienne une réussite. Et il faut dire aussi, Marc-André, que moi, tu as parlé des événements qui se sont survenus il y a quelques années, 47 morts. Il faut dire aussi qu'ils ont tout perdu là-dedans. Oui. Ils ont tout perdu, ils n'ont plus d'archives. Donc, c'est quasiment... Il y a le avant et après. C'est quasiment oui, ça. Tout à fait. Je veux dire, cet événement-là a marqué la communauté, puis c'est une marque qui va être là pour encore des années et des années. Ça va toujours rester. Et moi, j'étais impliqué avec l'organisation à l'époque de ces événements-là, et c'était très courageux d'organisation à l'époque, parce que même les bureaux d'organisation là ont été impliqués au centre-ville, donc dans la zone rouge et tout ça, et c'était de voir que ces gens-là tenaient mordicus à ce que la compétition ait lieu pareil. Donc c'était assez là courageux pour eux là de poursuivre la compétition malgré les événements. OK. Donc, qui a gagné? Donc, c'est un Allemand. Donc, compétition de 10 km, c'est disputé assez très rapidement, là, sous les 2 heures. Okay. Donc, c'est Christian Reicher de l'Allemagne qui a remporté chez les hommes. Donc, comme je disais, avec un excellent chrono, là, sous les 2 heures, de 1h56min52s. Et ce qui est très intéressant, là, c'est, Danny, c'est l'arrivée était très spectaculaire. C'est en moins de 2 minutes, on a, je crois, environ 17 nageurs qui sont arrivés. Hey, okay. Donc, c'était très, très, très, très, très serré, là. 10 secondes entre le premier et le... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 11e nageur, si je me trompe pas. Fait que c'était très excitant. Donc, les gens vont se demander à la maison où s'est classé Xavier Desharnais, ouais. Notre vice-champion de la traversée, double champion. 7e pour lui. Oui, c'est sa dernière course à vie, je pense. Hein. Dernière course, oui, on est en fin de carrière pour lui. Seulement 3 secondes derrière le gagnant. Fait que 7e place, 3 secondes même pas. Derrière le gagnant, ça te montre, Danny, là, la qualité des athlètes et comment ça s'est terminé. Pour lui, c'est quand même un bon classement, on va dire 7e pour un gars qui finit 2e au Lac-Saint-Jean, mais c'est pas sa spécialité là, des compétitions de 10 km. Donc, c'est plus un gars, je te dirais, de longue distance, c'est ça? Exact, oui, c'est ça. 5 heures, 5, 6 heures, 7 heures de nage. Également, chez les autres Canadiens, là, on a vu John McKay en 13e, par la suite Nicolas Mansavar en 17e et David Pouliot en 18e. Okay. Chez les femmes, on a la Chinoise, également 4e aux Jeux olympiques, Xing Xing, qui a terminé également en 2h04.40. C'était moins serré d'année chez les femmes. Beaucoup plus d'espace, là, quasiment 1 minute ou 2 entre chaque athlète. Également Rachel Bruni de l'Italie et Samantha Arevalo, excuse-moi, de l'Équateur. Ouais. Donc, 3 nageuses très expérimentées, 3 nageuses olympiques parmi les 3 premières. Sinon, chez les Canadiennes, nos premières Canadiennes, là, 14e position, Sabrina Lavoie, de la région de Saint-Bruno, née à Robertval, mais qui a grandi du côté de la MRC Lac-Saint-Jean-S, donc en 2h09min57s. Donc, on est quand même c'est également une spécialiste plus de 32 km. Sinon, du côté un peu plus du volet, tu parlais tout à l'heure de Gabriel Savard. Oui. Qui a fait une excellente performance aux 7 km, donc après avoir remporté le marathon de la relève. Ce qu'il faut comprendre, Danny, c'est que le 10 km du marathon de la relève entre Marseillage et Robertval, durant la traversée, et ce 7 km-là, du côté de la Mégantic, fait partie du circuit provincial là, de la Coupe Procolor et de la Coupe Espoir. Elle a gagné, hein? Elle a gagné, hein, la Coupe? Ben, c'est ça, elle avait gagné Lac-Saint-Jean, le deuxième-là, fait que c'est ça, je suis pas mal certain qu'elle s'est assurée là, de la première position. Fait que c'est très, très, très intéressant pour elle. Une jeune fille de Dobouni-Stassny, de 18 ans, qui évolue du côté du Rouge et Or à l'Université Laval. On connaît le Rouge et Or qui a toujours eu des bons athlètes en natation de Olympe. Fait qu'elle était au bon endroit. Et durant la traversée, je t'avais parlé de mon inquiétude par rapport à la relève régionale. Et elle m'a fait mentir là, quelques temps après. Fait que Gabrielle va sans aucun doute là, se diriger tranquillement dans les prochaines années, aux 32 km. Ça sera très intéressant de l'avoir évolué parce qu'elle était très, très, très impressionnante au marathon de la relève lors de la traversée il y a déjà presque 3 semaines. OK, ben c'est sûr. Hein? Puis Gabrielle, j'y ai parlé ce matin sur les médias sociaux, puis elle a dit, probablement qu'elle a joué de prudence, parce qu'elle a dit, j'ai fait une course correcte, c'est pas ma meilleure course, mais probablement qu'elle a fini 2e, donc elle a joué... Faites une stratégie de pour calculer ses points, tout simplement, pour ramasser plus de effectivement, je pense que pour elle, c'est toujours le cumulatif est toujours un intérêt important, puis pour elle, là, ça sera sans doute une belle, comme on dit, là, dans un athlète, là, c'est comme un peu sur le marché professionnel, on doit avoir, on doit accomplir certaines choses, on doit mettre des choses dans son CV, fait qu'elle, pour elle, là, ça sera une étoile de plus dans son CV, puis probablement qu'elle elle a été très stratégique et très bien pour elle. Fait que je suis très content de voir qu'au Séné-Lac-Saint-Jean, il y a de la relève pour la traversée, parce que les gens à Robertval sont toujours très attachés avec les athlètes locaux, régionaux, provinciaux, nationaux. Fait que c'est toujours bon de voir que, là, qu'on a... Elle veut le faire dans 2 ans. Oui, c'est ça. Fait que ça veut donner encore des beaux moments lors de la traversée, parce que c'est tout le temps magique de voir quelqu'un du coin de réaliser ce rêve-là de traverser le lac Saint-Jean. Ben, effectivement. Marc-André, tout ce beau monde s'en va. Est-ce que c'est terminé la saison? Parce que je sais qu'il y a des courses en Italie, en Espagne, en Argentine. Est-ce que là, c'est terminé, là? Ben, c'est ça. Là, présentement, c'est les athlètes, la majorité vont retourner du côté de l'Europe. OK. On a du côté, là, au niveau d'ici la fin du mois, je pense dans 2 semaines, on a la compétition en Macédoine, là, OK. qui s'inscrit dans le même circuit que la traversée. Également, il reste encore des 10 kilomètres. Les 10 kilomètres, il reste 2 étapes. Donc, après Mégantic, il reste des étapes du côté de l'Asie. Fait qu'il reste, là, on est en fin de parcours, là. Présentement, là, autant du côté des marathons que des 10 km. OK. Ben Marc-André, un gros merci. On se reparle l'an prochain, puis bonne année. Merci à toi, à la prochaine. Voilà Merci, l'ami. Marc-André Leclerc, notre collaborateur de Nage en eau libre.